Des fois les souvenirs ne s'enclenchent pas. Pourquoi porter plus, on a déjà tant de poids. Je t'en donnerai des heures inoubliables. Je te donnerai tout, même ce que je n'ai pas. Si tu me laissais entrer un instant, pendant que la pluie fouille et ne nous trouve pas, pendant que la pluie bat les fenêtres innocentes, pendant que la pluie bat et en nous la tendresse, tu me raconteras le loup affamé, la lisière des bois où tu n'oses entrer. T'aimais toujours, peut-être même d'amour. Comme une vague au rivage, c'est puis aller chez la terre. Comme une vague au rivage, dépose les trésors amassés. Comme une vague qui se cogne, l'écume au bord des lèvres. Nous irons tous deux dans les bois, avec le regard hagard de la proie. Donne-moi le souvenir, donne-moi la mémoire, que jamais on ne le croise, que jamais nous dévore. Tu me raconteras le loup affamé, la lisière des bois où il est entré.